Le tueur des 24 heures par Jehod Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Le tueur des 24 heures. La terreur règne sur la ville. Que dis-je ? Elle règne sur l'ensemble de la terre, puisqu'aux quatre coins du monde, il a sévi. Je parle bien sûr du tueur des 24 heures, cet individu, mais s'agit-il seulement d'un individu qui envoie ses messages de mort exactement 24 heures avant le décès des destinataires en question. Ces victimes ne sont certainement pas choisies au hasard, mais jusqu'à présent, aucun enquêteur, de quelque niveau que ce soit, n'est parvenu à déterminer le mode décisionnel qui amène à la sélection fatale. L'on pourrait prétendre qu'il s'agit d'une fatalité ou d'un hasard, de la conjonction improbable d'un certain nombre de facteurs, mais aucune étude scientifique ou empirique n'est parvenue à éclairer la recherche pour tenter de contrer son action. La seule chose dont on est sûr, c'est sa signature. Lorsqu'il avertit sa prochaine victime, le tueur des 24 heures accompagne son message de mort d'une plume de paon. Les premiers morts portaient également cette plume sur eux. Il ne fut bientôt plus possible de douter de l'existence de ce serial killer infernal. Comment dénombrer ces victimes ? Certaines étaient connues, voire célèbres, mais d'autres étaient plus discrètes, même modestes. Et il est à parier qu'un certain nombre resteront à jamais inconnus, faute d'enquête ou d'étude des circonstances de leur disparition. En effet, les personnes fatalistes n'ont pas cru à cette échéance, n'ont pas cherché à s'en défendre, et ont tout simplement jeté le message fatal sans en parler à personne. Par contre, d'autres se sont crues plus fortes et ont tenté d'échapper à cette menace. Par exemple, ce milliardaire qui a, en toute urgence, transféré tous ses fonds dans un paradis fiscal et qui a tenté de le rejoindre avant la fin des 24 heures de sursis. Son avion a explosé en vol au milieu de la traversée de l'océan, pile à l'heure fatidique. Il y a eu aussi une vedette du showbiz qui a décidé d'emprunter une fusée pour se mettre à l'abri sur une station spatiale. Mais une collision avec un astéroïde à la 24e heure a mis fin à son ambition. Personne ne sait comment procède ce tueur des 24 heures, mais tout le monde sait qu'il peut être la prochaine victime. Les plus hautes autorités de toutes les puissances du monde ont mis en œuvre des actions de protection, mais personne ne se fait plus d'illusions depuis qu'un leader politique s'est effondré, raide mort, lors d'un meeting terrassé par un empoisonnement sournois 24 heures après la réception de la plume de paon. Cette dernière a été scrupuleusement analysée, ainsi que le message qui l'accompagnait, mais aucun de ces objets n'était porteur d'un produit toxique. De plus, des petits rigolos ou des manipulateurs exploitent l'histoire et nombre de personnes reçoivent des menaces plus ou moins accompagnées de plumes de paon, semant la panique dans la populace. Cependant, ce que le public ignore, puisque la police a bien gardé le secret, c'est que les messages du tueur des 24 heures sont bien reconnaissables puisqu'ils sont écrits avec une plume de paon et du sang de paon en guise d'encre. Je disais donc que la terreur règne sur l'humanité, ou bien le fatalisme, familier des foules. Je faisais partie de cette seconde catégorie me disant « il faut bien mourir un jour ». Cependant, lorsqu'un soir, je trouve glisser sous ma porte une enveloppe contenant une plume à l'œil turquoise et un feuillet manuscrit dont l'écriture brunâtre ne laisse aucun doute sur son origine, je m'interroge. Pourquoi moi ? Certes, j'ai participé plusieurs fois aux 24 heures de la nouvelle. Ai-je offensé le tueur des 24 heures dans un de mes textes ? D'autre part, j'ai rencontré Madame Pan au CHU de Nantes, et j'ai entretenu avec elle les meilleures relations. Le tueur des 24 heures, avec ses plumes de paon, en est-il jaloux ? Finalement, ce criminel n'est-il pas le vengeur de la nature qui veut débarrasser la terre de ses habitants indésirables ? J'ai beau avoir eu des intentions pacifiques et salvatrices tout au long de ma vie, j'entre cependant dans le choix de cet exterminateur pour des raisons que j'ignore. Alors, la réflexion est simple et rapide. Si mon heure est venue, ou plutôt, s'il ne me reste que 24 heures à vivre, que vais-je en faire? Pas le temps de mettre toutes mes affaires en ordre. Et puis, comme l'on dit, après moi le déluge. Je vais prendre cependant quelques heures pour mettre en ligne mes écrits les plus aboutis, donnant toute liberté à quelques amis pour en corriger l'orthographe. Ensuite, je vais rédiger mon testament afin de disposer des quelques biens terrestres que je possède et les distribuer le plus intelligemment possible entre mes héritiers potentiels. Un testament n'a jamais fait mourir personne, ce sera toujours une bonne chose de faite. Dois-je avertir mes proches? À quoi bon? Les inquiéter à l'avance? Et si par miracle, je parvenais à déjouer le piège du tueur des 24 heures? Non que je m'en croie capable, ni que je vais tenter de le faire, mais sait-on jamais? Et puis, montrer peut-être ma peur ou voir la pitié dans leurs yeux? Non. Se reverra-t-on dans l'au-delà? C'est une autre histoire, et il n'est plus temps d'y penser. Alors, comment vais-je profiter de mes dernières heures? D'abord, ne pas mourir dans ma maison, mais partir. Accomplir un dernier voyage avec ma vieille voiture. Un diesel de 20 ans, même en bon état, ça excite les convoitises des concessionnaires qui veulent me refourguer leur dernier modèle. Pour aller... voyons... Il me revient le souvenir d'un texte écrit depuis très longtemps, alors que j'imaginais une cavale dans un monde détruit. J'y aboutissais dans un lieu cher à mes rêves. C'est là que je vais me rendre, encore une fois pour un ultime rendez-vous. La nuit qui vient va me permettre de régler mes affaires, je partirai au petit jour. Point de bagages, comme dit la chanson, pas de vêtements, et les photographies de ceux que j'aime sont inscrites dans mon cœur à jamais. Juste une bouteille d'eau fraîche de ma fontaine et les 3 tablettes de chocolat noir aux noisettes entières qui restent dans mon placard. Aucun intérêt à se charger inutilement. J'arriverai à la fin du jour, ma voiture garée sur le parking, finement couvert de sable, je grimperai sur les dunes, puis j'emprunterai le sentier creusé entre les barrières de bois à claire-voie destinées à protéger les plantations d'Oya. Puis, je dévalerai sereinement la pente de sable encore chaud où le soleil couchant dessinera des ombres noires. J'aborderai le sol humide, léché par le flux qui se retire. Les vagues languissantes y auront laissé leur broderie de coquillages en arabesques de nacre et d'algues brunes. Devant moi, la mer sera d'or liquide, dont l'incandescence froide est à peine ondulée, bercée par la brise du crépuscule. J'avancerai dans l'eau, si lentement qu'aucun remous ne marquera mon passage. Les mots que j'ai aimés entonneront dans ma tête une symphonie merveilleuse que j'aurais voulu écrire. À l'horizon, l'astre du jour fera le beau, tel un paon déployant les plumes de sa queue. Sa flamboyance inouïe éblouira mes pupilles, et des étoiles turquoises iront éclater à la lisière de l'arc de lumière, où les rouges et oranges feux laissent la place aux verts et indigos qui se fondent dans les violets de la nuit qui vient. Un goéland calligraphiera au ciel mon heure dernière, celle que j'aurais choisie. N'en déplaise au... Ici se termine Le Tueur des 24 heures par Géode Ham.